الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بدأنا بعد صلاة العصر في دراسة رسالة لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي واجبنا نحو ما أمرنا الله به وذكرنا أربعا منها أو أربعة منها ولقد انتهى الكلام إلينا بالخامس وهو أن يقع هذا العمل خالصا صوابا. Donc après Salat al-Asr, nous avons entamé la lecture et l'étude du livre de Mohammed ibn Abd al-Wahhab qui se nomme Nos obligations envers ce qu'Allah nous ordonne. Nos obligations envers ce qu'Allah nous ordonne. Et il y a sept points. Il y a sept points qu'incombe au serviteur devant chacun des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous rappelle le premier point? Andaman. Al-ilmu bih. Le fait de connaître ce point, cet ordre. Car en ignorant la chose, on ne peut pas la mettre en pratique. Le deuxième point. Andaman. Mahabbatu. Barakallahu fik. Aimer cet ordre. Aimer cet ordre. En aimant cet ordre, si le cœur se remplit d'amour pour Allah, il aimera cet ordre. Et sera motivé quant à la mise en pratique de celui-ci. Et ça nous amène au troisième point, qui est la volonté de l'accomplir. Le fait d'être déterminé afin de mettre en pratique cet ordre. Le quatrième point, Endaman. La mise en pratique, la réalisation de cet ordre. Et nous sommes arrêtés sur le cinquième point. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة كونه يقع خالصا صوابا ثم قال أن كثيرا من ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. L'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit le cinquième point est que cet ordre doit être accompli sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup sont les gens qui appliquent mais n'appliquent pas cet ordre sincèrement pour Allah. Sincèrement pour Allah. Et lorsqu'il est fait sincèrement pour Allah, tu vois que cet ordre n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un point important. Le fait de mettre en pratique l'ordre d'Allah, certes, mais il doit être fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois rechercher après, à travers cela l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nombreuses sont les preuves qui nous appellent à cela. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyimah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah et cela d'un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale et voici la religion droite. Dans ce verset, Allah azza wa jal nous ordonne son adoration. Mais nous montre que l'adoration qu'Allah nous demande est celle qui est accomplie sincèrement pour lui. وهنا نحتاج إلى بيان وهو ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص ما هو؟ الإخلاص لغة هو التصفية والتنقية. الإخلاص dans la langue arabe c'est le fait de faire une épuration, une purification. Tu vas dire par exemple labanun khalis. Tu vas parler du lait en disant qu'il est khalis, car il aura été purifié de toute impureté. Ou si tu enlèves par exemple de la crème. واضح؟ Religieusement parlant, l'ikhlas, tasfiyatul amal bi salihi niyya min shawa'ib ash-shirk war-riya. L'ikhlas, c'est le fait de purifier ton action en mettant une bonne intention. Tu purifies ton action de tout politisme et de toute ostentation. En d'autres termes, tu fais l'action pour Allah. Et tu ne recherches pas les éloges des gens à travers celle-ci. Voici le sens du ikhlas. Donc Allah nous ordonne cela dans son livre. Il nous dit également وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous donne, ou bien ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Cela est général, ça englobe tout, que ce soit dans la croyance, dans les adorations et autres. Allah Azza wa Jalla a même cité des versets où il unit entre ces deux conditions, qu'on nomme sharta qabul il amal, les conditions d'acceptation des actes d'adoration chez Allah, qui sont nombre de deux, celles dont nous parlons ici. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. Allah nous dit, celui donc qui espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse des actions pieuses et n'associe personne à son Seigneur dans ce culte. Dans ce verset, on a mis les deux conditions. فليعمل عملا صالحا, c'est qu'il fasse son action conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe personne dans le culte de son Seigneur. C'est la première condition, l'ikhlas, la sincérité. Dans Suratul Mulk également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, voir lequel d'entre vous agira le mieux. Que veut dire agir le mieux? Remarquez qu'on n'a pas dit le plus, qui a fait le plus d'actions, mais qui a fait les meilleures actions. Cette question fut posée à un grand savant de l'islam, Al-Fudayl ibn Iyad. Ma ma'ana akhlasuhu wa aswabuhu. Que signifie ces deux mots-là? Il a répondu la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, l'homme, s'il fait une action dans laquelle il n'est pas sincère, Allah ne l'acceptera pas. De la même façon, s'il fait une action qui n'est pas en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'acceptera pas. Tant qu'il n'aura pas uni entre la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici les deux points qu'on cite ici dans le cinquième degré. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, قال النبي sallallahu alayhi wa sallam, كما في حديث عمر في الصحيحين, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فَمَاذَا les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Dans ce hadith, on nous montre l'importance de la sincérité, l'importance de l'intention. Et on nous montre que la considération de ton action auprès d'Allah se fait en fonction de ton intention. Et que l'acte d'adoration qui n'est pas fait sincèrement pour Allah ne sera pas accepté. Dans un autre hadith, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait une action, ou celui qui innove une action, non conforme à notre ordre, c'est-à-dire à notre religion, son action sera rejetée. Allah ne l'acceptera donc pas. Et dans une autre version, donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans la version de l'imam Muslim, toute personne qui fera une action non conforme à notre ordre, c'est-à-dire à notre religion, son action sera rejetée. Pourquoi est-ce que l'imam Muslim, ou pourquoi est-ce que l'imam al-Nawawi dans l'Arba'in al-Nawawi, dans ce cinquième hadith de son livre, il a ajouté la version de l'imam Muslim alors qu'il avait déjà cité la première version, unanimement reconnue par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Car dans la première version, on parle de l'innovateur, celui qui a fait cela en premier. Alors que dans la version de l'imam Muslim, ça a une portée plus générale. Man amila amalan. Et man, ce mot-là amène la généralité. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui fera cela, voici le résultat. Toute personne qui fera une action non conforme à cette voie, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son action sera rejetée. Avec ces deux hadiths, on voit que Allah azza wa jalla n'accepte pas l'adoration sans deux conditions. La première, la sincérité. La deuxième, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths, il y a également le hadith Qudsi dans lequel Allah nous dit « Ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa shirka wa fi riwaya fa huwa lilladhi ashrak. » On nous dit dans un hadith à thème divin, le hadith Abu Huraira inda Muslim, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Allah nous dit, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Celui qui fait une action, donc celui s'englobe tout le monde, qu'il soit un homme, une femme, un grand, un petit. « Man amila amalan » Ce mot-là est indéterminé, s'englobe l'action, l'ensemble des actions et toute adoration. Donc, quelle que soit la personne et quelle que soit l'action, من عمل عملا ليس عليه امرنا pardon انا اغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري et me donne un associé dans celui-ci تركته وشركا je le délaisse lui et son associé ou bien lui et son association. Allah azza wa jalla n'acceptera pas de cette personne. Pourquoi? Car il n'aura pas agi en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien sont ceux qui disent oui, mais il a une bonne intention. Oui, mais il a voulu faire le bien. Oui, mais. La religion est tracée. On nous dit, vous voulez avoir l'agrément d'Allah, vous voulez que vos actions soient acceptées. Voici le chemin. Et l'adoration est définie par Allah. Elle n'est pas laissée à ton bon vouloir. Mais tu es un serviteur d'Allah et le serviteur fait ce que le Seigneur veut. Allah a conditionné que ce soit comme ça si tu veux que ce soit accepté. Et comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, lorsque les gens innovaient dans une mosquée dans leur façon de faire du zikr, et lorsqu'ils lui ont dit « Ya Abba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr »« Oh Abba Abdurrahman, on a voulu faire que le bien. » Donc ils avaient, selon ce qu'ils disent ici, la première condition. Écoutez la réponse de Abdullah ibn Mas'ud, le savant du Coran. Il a dit wa kam min muridin lil khayr lam yusibhu. Et combien sont ceux qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Combien sont ceux qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Oui, mais j'ai voulu le bien quand j'ai fait ça, je voulais le bien. Cela n'est pas accepté chez Allah tant que tu ne rentres pas dans les conditions. Donc voici pour Mada. Le cinquième point. Voici pour le cinquième point. Lorsque tu mets en pratique cet ordre, tu dois le faire sincèrement à la recherche de l'agrément d'Allah. Et tu ne dois pas rechercher autre que cela. De plus, cet ordre doit être fait conformément à ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves de cela sont nombreuses. Et pour éclaircir encore plus ce point et vous montrer encore plus l'importance. Le jour de du Eid, Al-Adha, où il y a le sacrifice de la bête. Le prophète est parti à la Musalla pour faire la prière du Eid, puis faire khutbatul Eid. Et c'est connu que le temps légiféré pour immoler la bête commence après Salatul Eid. Commence après Salatul Eid. Un compagnon, radiallahu anhu, qui aimait beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu une idée. Quelle est cette idée? Faire en sorte de satisfaire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'être le premier à le satisfaire dans une chose précise. Laquelle? Il s'est dit, moi je vais égorger ma bête dès maintenant, avant la salat, pour pouvoir préparer la viande pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'aura pas mangé, comme c'est la sunna, comme c'était sa sunna. Il sortait à jeun. Et donc je serai le premier à lui présenter de la viande. Quelle est l'intention de ce compagnon? D'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De montrer son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres choses parmi les meilleures intentions. Malgré ça, à la fin de la salat, à la fin de sa khutbah, lorsque ce compagnon a présenté ce repas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cette viande? Le compagnon a dit, c'est la viande que j'ai sacrifiée pour le Eid, c'est la bête que j'ai sacrifiée pour le Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette grande action qu'a fait ce sahabi, lui a dit Shatuka, shatu lahm. Il lui a dit, elle n'est pas considérée comme le sacrifice. Pourquoi? Car ça n'a pas été fait en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le temps. Le temps n'a pas été respecté. Et il lui a dit, mais c'est une viande propre à la consommation, comme les autres viandes. C'est une viande comme les autres viandes. Regardez, subhanallah, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous montre que malgré la bonne intention, si tu ne fais pas comme il nous l'a montré lui, celui qui nous a été envoyé par Allah azza wa jal, ton action, aussi grande soit-elle, ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque personne doit faire attention. Et tu ne dois pas te dire, moi alhamdulillah je connais, et ce genre de paroles. Là, tu dois réviser constamment ce que tu fais, ce que tu dis, et peser cela avec le Coran et la Sunna. Et si on a un manque de ilm, on revient aux gens de science qui eux diront, oui, ta parole est en conformité, ou non, ta parole n'est pas en conformité, tu dois la délaisser et te corriger. Oui, ton action est en conformité avec la Sunna. Non, ton action n'est pas en conformité, alors tu te corriges. Ne dis pas je suis là, corrige-toi. Celui qui a appris la salat de telle personne mais l'a pas appris des hadiths, il doit prendre chacune de ses actions de la salat et demander est-ce qu'il faisait bien comme ça, le prophète sallam. Oui, il reste sur ça. Non, il corrige cela. Celui qui prie par exemple les bras ballants le long du corps, il a appris cela de ses parents. Puis il voit beaucoup de gens prier la main droite sur la main gauche. Il doit demander comment est-ce que le faisait le prophète sallam. Est-ce qu'il faisait comme ceci ou bien comme cela? Après avoir reçu cette science, il la met en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre même que la chose qu'il a redoutée pour les compagnons, donc les meilleurs des créatures après les prophètes et les messagers, était l'ostentation. Il nous dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar su'ila an qala ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose que je redoute le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et lorsqu'il fut questionné sur cela, il a répondu, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Et c'est détaillé plus encore dans notre hadith ou le même. Il dit, l'homme se lève pour accomplir la prière, donc sincèrement, et ensuite il l'embellit de par ce qu'il voit comme regard se poser sur lui. C'est ça l'ostentation. C'est que tu fasses ton action, mais que tu l'embellisses suite au regard des gens. Et cette ostentation est de deux types. Il y a l'ostentation des hypocrites, des kuffars. Et il y a l'ostentation, ce qu'on appelle yasir al-riya, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est celui qui embellit sa prière pour avoir les éloges des gens. Mais à la base, il prie pour Allah Azza wa Jal. Voici ce qu'on peut dire pour le cinquième point. المرتبه السادسه التحذير من فعل ما يحبطه. Le sixième point, éviter ce qui pourrait le rendre caduc. Donc là, tu es passé à l'action et tu as fait cette action comme il le fallait. Est-ce que maintenant tu n'as plus rien à craindre? Est-ce que tu as posé tes deux pieds au paradis et as pris ta place? Non. Tant que ton âme est encore dans ton corps, tu es encore dans l'épreuve. Tu es encore dans l'épreuve. Donc, التحذير من ما أو من فعل ما يحبطه. Tu dois éviter toute chose qui pourrait rendre caduc ce que tu as mis en pratique. Tout ce qui pourrait l'annuler. Et c'est ce qu'on appelle les annulatifs. طيب محبطات العمل les annulatifs des actions. L'auteur nous dit أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا من أقل الأشياء في زماننا. L'auteur nous dit, les gens pieux ont peur qu'on annule leurs actions. Ce sont pourtant ceux qui agissent le plus, n'est-ce pas? Mais ils ont peur, après avoir fait ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a demandé, qu'on annule leurs actions. Puis l'auteur cite un verset par lequel le serviteur va avoir peur et comprendre ce point-là. Comprendre la gravité qu'il y a, ou bien la dangerosité de tomber dans une chose qui pourrait annuler nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Donc on voit dans ce verset de Surat al-Hujurat que Allah Azza wa Jal peut annuler l'action du serviteur après qu'il l'ait faite. Et au début du verset, أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et n'haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous en rendiez compte. Donc après avoir fait cette grande action, tu dois faire attention à ne pas tomber dans une chose qui pourrait l'annuler. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans le Coran que la pire chose par laquelle les actions sont annulées est le shirk, le polythéisme. Le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Le fait d'élever une créature au même niveau que le créateur. Le fait de donner le droit propre du créateur à la créature. Ashirku billah. Taswiyatu ghayrillahi bih. Taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Voici la définition du polythéisme. Le fait d'élever une créature au même niveau qu'Allah et de lui donner une chose propre à Allah. قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah nous dit dans le Coran, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire les prophètes et messagers, si tu nous donnes un associé, alors on annulera toutes tes actions. À qui s'adresse cette parole? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète peut tomber dans le shirk? Non, bi-ijma' al-ulama. Les prophètes sont exemptés du shirk. Il n'y a aucune divergence sur cela entre les savants. Malgré cela, on lui adresse ses paroles. Ici, on nous montre que, quel que soit le rang du serviteur, s'il donne un associé à Allah azza wa jal, toutes ses actions deviennent vaines. Et lorsqu'on parle au prophète, on nous parle à nous aussi. Al-khitab li nabi sallallahu alayhi wa sallam, khitabun li ummati. Donc toute personne qui commettra du shirk, son action sera annulée. Maintenant, l'annulation des actions est de deux types. Si c'est du shirk akbar, تسويت ماذا كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن ديني tout polythéisme qui a été cité dans les textes qui entraîne l'exclusion de la personne de l'islam, c'est ce qu'on appelle le shirk al-akbar, celui par lequel la personne sort de l'islam. Ben sachez que celui qui tombe dans ça, أعاذنا الله وإياكم من هذا, nous on annule toutes ses actions du premier jour au dernier jour, c'est-à-dire il ne lui reste plus rien, il ne lui reste aucune action. Allah nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah nous parle des actions des mouchrikoun. Et il nous montre que يوم القيامة on va avancer tout ce qu'ils ont fait. On va faire devenir l'ensemble poussière éparpillée. Dans Sourate Nour, on fait ressembler ça à un mirage. Vous savez tous ce qu'est un mirage. Lorsque la personne marche dans le désert et au loin, elle pense voir un coin d'eau et lorsqu'elle l'arrive, elle ne trouve rien. Voici l'image, la parabole qu'on donne concernant les actions des associataires. Donc, ça annule toutes leurs actions. Puis, il y a l'annulation des actions partiellement. C'est lorsque c'est du shirk asrar commis par le musulman. Celui qui tombe dans le shirk asrar, par exemple, il fait salat, et ensuite quelqu'un entre, il allonge sa prière pour avoir l'éloge, mais à la base, il fait ça pour Allah. Ben lui, on va lui annuler son action. Mais pas tout ce qu'il a fait avant. On va annuler cette action s'il ne repousse pas cette ostentation. Donc il y a une annulation qui est partielle et une annulation qui est générale sur toutes les actions. Ben le musulman a peur des deux. Le musulman ne se sent pas à l'abri. Il a peur d'annuler son action. Et lorsque un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Qais a entendu ce verset. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Lorsqu'il a entendu qu'il ne fallait pas élever sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni hausser le ton comme on le fait les uns avec les autres, car sinon nos actions seront annulées. Savez-vous ce qu'a fait ce compagnon? Il est rentré chez lui. Il est resté chez lui et ne sortait plus, attristé, la tête baissée dans ses mains. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué son absence, il a demandé à son sujet. Un compagnon a dit, je t'informerai de ce qui lui arrive. Il est parti le visiter, l'a trouvé chez lui, assis, la tête baissée. Il lui a dit, Mashanouk, que t'arrive-t-il? Il lui a dit, un grand mal. Un grand mal. Puis il lui a cité le verset. Il lui a dit donc, on m'a annulé mes actions et je fais partie des habitants de l'enfer. Qu'est-ce qui dit ça? Un sahabi. Après avoir entendu un ou deux versets. Un ou deux versets. Combien de conférences on a entendu sur la gravité du shirk et sur la peur de voir nos actions disparaître? Regardez la réponse devant les textes des sahabes et la grande crainte de se voir annuler leurs actions. Il pleurait, il restait chez lui, la tête baissée, et pensait entrer dans ce verset, car il avait une voix portante. Il n'élevait pas volontairement la voix sur le prophète, bien évidemment, mais il avait une voix portante. Ce compagnon est venu transmettre cette parole au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, retourne le voir et informe-le qu'il ne fait pas partie des habitants de l'enfer. Walakinnahu min ahli jannah. Mais il fait partie des gens du paradis. Donc, ce compagnon, devant la grande crainte qu'il a eue de voir ses actions devenir vaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonçait plutôt la bonne nouvelle du paradis. Et le prophète sallam ne peut dire cela si ce n'est après avoir reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans cela une grande éducation pour nous. Qui sommes-nous pour nous sentir à l'abri de cela? Ces sahaba avaient cette crainte. Nous, avec notre manque de science, nos injustices, le manque de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'éloignement de l'époque du prophète Rasulullah, comment est-ce qu'on pourrait se sentir à l'abri? Et tout cela revient à la correction du cœur encore et toujours. La personne ne doit pas se sentir à l'abri. Certains parmi les plus prédécesseurs disaient, si j'avais un pied au paradis, je ne serais pas tranquille tant que j'aurais pas mis le deuxième. Et lorsque Omar ibn Khattab a reçu la nouvelle qu'il était parmi les gens du paradis plus d'une fois, est-ce qu'il a arrêté d'agir? Est-ce qu'il a arrêté d'avoir peur? Non. Bien au contraire, certains disaient, si j'entendais une voix dire que vous entrez tous au paradis sauf une personne, j'aurais peur que ce soit moi cette personne. Omar ibn Khattab. Des gens qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis alors qu'ils marchaient sur la terre, où sommes-nous? Wallahi, personne d'entre nous ne sait sa finalité. Comment est-ce que la personne pourrait se sentir à l'abri de cela? Et celui qui a peur se prémunira. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Pour faire attention, pour s'éloigner du shirk et de tout ce qui annule les actions. Al-riya, al-kibr, l'orgueil. Antamunna ala Allah, le fait de se vanter de ce que tu as fait. Et comme si tu disais que c'est grâce à toi tout ça. Ça annule les actions. Ça annule les actions de se vanter de son action. Par exemple, tu fais une sadaqa et tu dis « moi j'ai donné tant ». Ou bien tu rappelles cela à la personne « je t'ai fait ça et je t'ai fait ça ». Ça annule les actions. La personne doit plutôt dire « Alhamdulillah, Allah m'a guidé afin de pouvoir faire ça ». Alhamdulillah, sans Allah, j'aurais pas pu faire ça. C'est comme ça qu'étaient sahaba. C'est comme ça que les a éduqués le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce grand hadith est un hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Un hadith qui trouble les cœurs de ceux qui ont la foi. Un hadith qui peut empêcher les personnes pieuses de dormir certaines nuits. Un hadith qui a causé le trouble et une grande crainte dans le cœur de sahaba. Le hadith de Thawb, radiallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, dans le recueil d'Ibn Majah, l'imam al-Albani dit qu'il est authentique. Rahimahumullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال أو أمثال جبال تهامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec énormément de hasanat, de bonnes actions. Autant de hasanat que la montagne de Tihama. Bayda. Fayaj'aluha Allahu Azza wa Jal haba'an mansura. Allah musta'an. Des gens vont venir yom al-qiyama avec des hasanat aussi nombreuses que la montagne de Tihama. Bayda. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et Allah fera de tout ça, poussière éparpillée. Tout cela deviendra poussière éparpillée. Lorsque nous entendons-nous ce hadith, quelle devrait être notre réaction et quelle est notre réaction? Est-ce que des gens se disent peut-être que je rentre dans ce hadith? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cela? Maintenant, écoutez la réaction des compagnons. Qala Thawban, ya Rasulallah, sifhum lana. Thawban a eu peur et a dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Qui sont-ils? Jallihim lana. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Il lui a dit, décris-les-nous. Qui sont-ils? De peur que nous en fassions partie sans le savoir. De peur que nous en fassions partie sans le savoir. De qui il parle lorsqu'il dit de peur que nous en fassions partie? Les sahaba. Les gens qui ont témoigné de la révélation, les secoureurs du prophète sallam et de l'islam. Ces gens-là avaient peur d'en faire partie, subhanallah. Et nous, on pourrait se sentir à l'abri. Qala ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Le prophète sallam a dit, ce sont vos frères. Ils ont la même peau que vous. ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont vos frères. Ils ont la même peau que vous. Écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils prennent de la nuit comme vous en prenez. Ils prennent de la nuit pour faire quoi? Naam, qiyamul layl. Ils se lèvent une partie de la nuit pour adorer Allah, tout comme vous le faites. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui faisaient qiyamul layl. Ils se levaient dans la nuit lorsque les gens dormaient. Ils se séparaient de leur couche. Ils se séparaient de cette tranquillité, de cette chaleur, pour se lever et prier pour Allah Azza wa Jalla. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais, et là on nous cite la cause. Comment se fait-il qu'on a annulé toutes leurs actions? Ou leurs actions? Il nous dit, mais, ce sont des gens qui lorsqu'ils se retrouvent en privé, ce sont des gens qui lorsqu'ils se retrouvent seuls, désobéissent à Allah. Outrepassent les limites d'Allah. Transgressent les limites d'Allah. Donc que chaque personne se regarde. Que chaque personne regarde, est-ce qu'elle rentre dans ses caractéristiques ou pas? Lorsque tu es en groupe avec tes frères, tu es fort. Et tu fais attention à ne pas dire de mauvaises choses, de ne pas faire de mauvaises choses. Et tu soignes ton apparence et tes paroles. Mais lorsque tu te retrouves seul et tu rentres chez toi, lorsque tu n'es pas vu de tes amis, ceux qui pensent du bien de toi, car Allah t'a couvert et t'a caché tes péchés, comment est-ce que tu es? Est-ce que tu restes sur la droiture? Ou bien est-ce que tu désobéis Allah Azza wa Jal et au matin tu reviens en te disant personne sait ce que tu as fait cette nuit? Ou lorsque tu pars en voyage et tu t'éloignes, tu te dis personne sait ce que j'ai fait. Et tu reviens au milieu de gens qui pensent du bien de toi car Allah t'a caché tes péchés. Ce hadith-là doit mettre dans nos cœurs la crainte de tomber dans ce qui pourrait annuler nos actions. الشاهد الصالحون يخافون من حبوط العمل. Ce qu'on tire de tout ça, pourquoi est-ce qu'on a cité tout ça? C'est pour montrer que les gens pieux ont comme caractéristique d'avoir peur qu'Allah annule leurs actions. Ils font beaucoup mais ne se sentent pas à l'abri du châtiment. Ils font beaucoup, ils ont uni entre deux caractéristiques. L'excellence dans la mise en pratique des ordres d'Allah. Mais aussi la peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. جمعوا بين إحسان العمل والخوف ألا يتقبله لا يتقبل الله منهم. Alors que les derniers ont uni entre deux autres choses. التقصير في العمل, les manquements dans la mise en pratique des ordres d'Allah. والأمن من مكر الله, et ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Donc voici comment étaient les pieux prédécesseurs. Alors que ceux qui n'ont pas ces qualités se gonflent et se vantent de leurs bonnes actions. Allah dit dans le Coran, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande ceux qui n'ont pas cette qualité. Et nous dit, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Si toutefois vous êtes véridique. Puis, comparez ça avec ceux qui ont reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont nous parlions. C'est-à-dire ceux qui ont uni entre l'excellence dans l'action et la peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, des gens qui donnent ce qu'ils donnent et ont les cœurs remplis de peur, de crainte à l'idée de revenir vers Allah, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, dans ce verset, s'agit-il de ceux qui commettent l'adultère, de ceux qui volent et boivent de l'alcool? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La ya Aisha, ou la ya binta Siddiq, non, ô toi la fille du véridique, toi la fille de Abu Bakr. Lakinnahu un rajul yasoum, il lui a dit non, mais c'est plutôt la personne, l'homme qui jeûne, wa yatasaddaq, qui donne des aumônes, wa yusalli, il accomplit la prière, wa yakhafu an la yutaqabbalu minhu, il jeûne, il prie, il dépense de ses biens, mais il a peur qu'on n'accepte pas cela de lui. Regardez, subhanallah, les qualités de ces gens-là. Et Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah n'accepte que de la part des gens pieux. Allah n'accepte que de la part des gens pieux. C'est pour ça que certains parmi les salafs disaient, si j'avais eu connaissance qu'Allah acceptait une seule de mes actions, je serais satisfait. Car Allah dit qu'il n'accepte que de la part des gens pieux. Ibn Abi Mulaika et un tabi'i radiallahu anhu nous dit, donc ceux qui ont rencontré les compagnons, adraktu thalathina min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsi. Ibn Abi Mulaika nous dit, j'ai rencontré une trentaine de compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'entre eux redoutait l'hypocrisie sur sa propre personne. Les sahaba, ceux qui ont reçu la tazkiya d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dans plusieurs versets. Ceux desquels Allah Azza wa Jalla nous enseigne qu'il est satisfait. Mais regardez le comportement de ces gens-là. Ils avaient peur d'être des hypocrites. Et le Hassan al-Basri nous dit innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqatan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit, certes, le croyant a uni entre l'excellence et la crainte. Et certes, l'hypocrite a uni entre les manquements, les mauvaises choses, et le fait de se sentir à l'abri. Le dernier point, al-martabatu sabi'a, al-thabatu alayhi. الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. طيب هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المؤلف وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون وهي قليل في زماننا فتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. L'auteur nous dit donc le septième point. La constance dans le fait d'accomplir cet ordre. La constance dans le fait d'accomplir cet ordre. Rester ferme sur la vérité, t'accrocher. Tu as connu la vérité et l'ordre d'Allah. Tu l'as aimé. Tu as la ferme intention de le mettre en pratique jusqu'à ce qu'Allah t'ait guidé à sa mise en pratique. Tu l'as fait en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la recherche de l'agrément d'Allah. Après tout ça, tu ne dois pas te relâcher. Mais tu dois rester constant sur cette vérité par laquelle Allah t'a comblé. Tu dois t'y cramponner. et veiller à ne mourir qu'en pleine soumission comme Allah nous l'ordonne dans le Coran. L'auteur nous dit, tu dois rester ferme et constant sur la vérité et avoir peur de la mauvaise fin. Avoir peur de la mauvaise fin. Comme nous le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi vous des gens qui agissent selon les actions des gens du paradis. Mais ils finissent par faire les actions des habitants de l'enfer. Puis l'auteur nous dit, et ceci également, probablement que j'ai oublié de traduire dans le point suivant, il avait fini en disant, وَهَذَا مِنْ أَقَلِ الْأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا. Cette qualité, le fait de trouver des gens qui ont peur qu'Allah annule leurs actions, est une des qualités les plus rares à notre époque. Et ici encore, le fait de rester constant et ferme et accroché à la vérité, l'auteur nous dit, هِيَ قَلِيلٌ فِي زَمَانِنَا. Il nous dit, cela est rare à notre époque. Cela est rare à notre époque. En quelle année est décédé Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah? Indaman. 500. Indaman. Étiez-vous présent lors de la conférence de Saadak la semaine passée? 204. Je lui ai enlevé de ce qu'Allah lui a facilité. 2 ans. Il est décédé en 1206. Il est né en quelle année? 1115. Et est décédé en 1206. D'accord. Nous sommes en quelle année? En 1436? C'est ça? Ou 37? 35? D'accord. Combien de temps entre notre époque et l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdullah? Il dit en parlant de son époque, et voici une qualité qui se fait rare à notre époque sur les gens. Qu'allons-nous dire, nous, à notre époque? C'est encore pire. Puis il nous dit donc que la mauvaise fin fait partie des choses que redoutent énormément les gens pieux. Et ceci est devenu rare à notre époque. Et en méditant sur la situation de ceux que tu connais parmi les gens et les autres, cela te poussera, ou bien cela t'indiquera et t'informera de beaucoup d'autres choses que toi tu ignores. Et il finit son livre en disant Wallahu a'lam, en faisant revenir la science à son propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout cela donc, tu dois être ferme sur la vérité et constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, fastaqim kama umirt. Observe le chemin de la droiture, comme cela t'a été commandé. Et Allah azza wa jalla dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ou vous qui avez cru, craignez Allah et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Veillez à mourir qu'en pleine soumission. Toi, tu ne peux pas décider de ta fin. Mais Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous explique et nous dit que celui qui emprunte le bon chemin et qui reste ferme et qui fait son possible, Allah lui facilite la bonne fin. En unissant entre ça et l'autre verset, fattakullah mastata'atum. Si toi tu fais ça, Allah t'accorde ce qu'il y a dans l'autre sourate. Wadah. Car la fin n'est pas entre nos mains. C'est Allah qui décrète les choses. Mais on a notre libre arbitre. On nous a donné la capacité d'agir. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la grande récompense et les grandes faveurs qu'il accorde à ceux qui ont cette caractéristique. Le fait de rester constant et ferme sur la voie droite. En nous disant... إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن nous montre la grande récompense qu'il accorde à ceux qui ont fait des efforts dans ce bas-monde. La grande récompense qu'il accorde à ceux qui sont restés constants sur le chemin de l'islam, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ceux qui ont tout fait pour avoir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa satisfaction. Le moment où le serviteur a le plus peur, c'est lorsque l'ange de la mort vient récupérer son âme. Et c'est un moment par lequel on devra tous passer. Car Allah dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. À ce moment-là, le serviteur a peur. Il est triste car il se sépare de sa famille, de ses enfants, et ne sait pas ce qu'il adviendra d'eux. Et il a aussi peur car il ne sait pas ce qu'il attend devant lui. Ben Allah subhanahu wa ta'ala le soulage de ces deux grandes calamités en nous disant ceux qui disent Allah est notre Seigneur et qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux, à quel moment? Lorsqu'on lui retire son âme. Et pour leur dire n'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce qui arrive, du futur, et ne soyez pas tristes, c'est-à-dire de ce que vous avez laissé. Puis mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Subhanallah. Il n'est pas encore Yawm al-Qiyamah et on lui annonce déjà la bonne nouvelle. Quelle est la cause de tout ça? Avoir mis en pratique ce septième point. Al-Thabat al-Haq wa fi ta'atillah. Puis on nous dit, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez. Tout ce que tu voudras, tu l'auras Yawm al-Qiyamah. Tu l'auras fil jannah. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. Subhanallah. Ce serviteur a peur et était triste. Et regardez la bonne nouvelle qu'il reçoit. Alors qu'il n'est même pas encore Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Donc voici la grande récompense qu'Allah Azza wa Jalla a prévue pour les gens qui sont restés fermes sur le bon chemin. Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, kulli fil islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak aw ghayrak. Ô messager d'Allah, dis-moi une parole après laquelle je n'aurai plus besoin de questionner quelqu'un après toi. Il lui a dit, Qul amantu billah thumma istaqim. Dis, j'ai cru en Allah, puis observe la droiture, reste ferme sur ce bon chemin. Et de rester sur ce bon chemin ne peut se faire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc faire beaucoup de dua pour avoir cette chose qui est aziza jiddan. C'est une chose qui est très prisée, mais c'est une chose que seul Allah azza wa jal, celui qui dirige les cœurs, peut accorder. C'est pour ça que Umm Salama radiallahu anha nous dit que parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, il y avait, ou bien elle nous dit plutôt kana aktharu du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation qu'il disait le plus souvent, l'invocation que disait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a appris qu'il était Sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah, celui à qui Allah accordait le maqam ou le mahmoud, celui dont tout le monde verra yawm al-qiyamah que c'est lui le meilleur, le premier à frapper au paradis, le premier à entrer au paradis, celui qui a resté le meilleur livre, Al-Qur'an, celui qui aura la plus grande communauté yawm al-qiyamah, les musulmans. Et malgré cela, il disait souvent, ô toi, celui qui dirige les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. c'est la base du hadith dans le recueil de l'imam muslim. Naam. Et ce que j'ai cité, c'est le hadith d'Indatirmidhi, il y a une suite. Wa min du'a'i nabi sallallahu alayhi wa sallam aïda. Allahumma inni a'udhu bika bi'izzatik. La ilaha illa ant antu dhillani. Une partie d'un hadith. Ô Allah, je cherche refuge. Ou bien je cherche protection auprès de ta puissance. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi, afin que tu ne m'égares pas. Il cherche, le prophète sallam cherche protection auprès d'Allah, afin qu'il ne soit pas égaré. En nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, yasta'id billah min ad-dalal. Donc nous sommes en droit d'avoir peur pour nous-mêmes, et de demander à Allah azza wa jal de nous préserver. Et lorsqu'il sortait de chez lui, il disait également une invocation. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi afin de ne pas être du nombre des égarés ni de ceux qui égarent les autres. An adlima aw udlam aw adilla aw udal. Je cherche refuge également, je cherche protection également auprès de toi, afin de ne pas être du nombre des injustes ou de ceux qui oppriment. Je cherche protection auprès de toi afin de ne pas être du nombre des opprimés ni de ceux qui se montrent injustes envers autrui. Jusqu'à la fin du hadith qu'a rapporté l'imam Abu Daoud selon Ummi Salama radiallahu anha, l'imam Al-Albani nous dit qu'il est authentique. Idhan al-amru amrullah wal khalqu khalqu wa azimmatul umur fi yadi. فلا بد أن نلتجئ بلجوء صادق إليه سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين الجواد الكريم وقال وقول الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فنسألك يا الله لأنك أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ألا تذلني بعد إذ هديتنا اللهم ثبتنا على الإسلام وعلى السنة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا. Je répète rapidement les sept points pour celui qui ne les aurait pas notés. Donc il y a sept étapes à l'accomplissement d'un ordre venant d'Allah. Premièrement, la connaissance de cet ordre. Deuxièmement, l'amour de celui-ci. Troisièmement, la détermination et la volonté ferme de l'accomplir. Quatrièmement, la réalisation et l'accomplissement de l'ordre en question. Cinquièmement, accomplir cet ordre, et cela sincèrement pour Allah, et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, éviter tout ce qui pourrait le rendre caduc, c'est-à-dire prendre garde à ne pas l'annuler par quoi que ce soit. Et septièmement, la constance dans le fait d'accomplir cet ordre. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه في سبع مراتب الأولى العلم به الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه والحمد لله الذي به تتم الصالحات وأشكر من دعانا ومن تسبب في هذا الخير أسأل الله يغفر لهم ولوالديه ولوالدينا. Et je remercie tous ceux qui ont été la cause encore et à nouveau de ce séminaire, que ce soit les conférences données par notre frère Saad Akwafakahu Allah ou par moi-même, que ce soit le responsable de la mosquée ou le frère Ali ou le frère Mohamed Ali, ceux qui nous a accueillis, et l'ensemble des frères et de ceux qui ont pu tirer profit de ces enseignements. Assallah yaghfira li Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, li Cheikh Abdul Abbad wa li ulama'ina, walhamdulillah.